Oh, que c'est plus haut que ce Dieu et que la pensée. Et, rien qu'avec ses chers yeux, en haut, tout inconscient et couleur de pensée, si frêle, si frêle, et tout le mortel foyer, tout, tout ce foyer en elle. Oh, pardonnez-lui si, malgré elle, et cela tant lui sied, parfois ses prunelles clignent un peu pour vous demander un peu de vous apitoyer un peu. Oh, frêle, frêle, et toujours prête pour ces messes dont on a fait un jeu. Penche, penche ta chère tête, va, regarde les grappes des premiers lilas. Il ne s'agit pas de conquête avec moi, mais d'au-delà. Oh, puissions-nous quitter la vie ensemble dès cette grand-messe, écœurée de notre espèce, qui bâille, assouvie, d'elle parvis.